Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Soyez les bienvenus dans mon émission Autour de vous. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de manifestations à venir, d'actualités locales ni d'artistes à suivre. Nous allons aborder un sujet particulier, l'endométriose. Ah, pour savoir ce que c'est, restez avec nous pour le savoir. Je suis actuellement avec Yasmine. Yasmine, bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, ça va très bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Bien sûr, je suis donc Yasmine, présidente de l'association EndoFrance, une association qui lutte contre l'endométriose et qui soutient les personnes atteintes d'endométriose. Est-ce que vous avez toujours été présidente ou est-ce que vous avez un parcours spécifique dans l'association ? Alors, en fait, j'ai rencontré EndoFrance quand j'en ai eu besoin, puisque je suis moi-même atteinte d'endométriose et que j'ai eu un parcours assez compliqué avec la maladie. Et j'ai ensuite souhaité m'investir pour donner ce que j'avais reçu. Donc, je suis devenue bénévole régionale. Et puis ensuite, quelques années plus tard, je suis devenue présidente. C'était en 2012, voilà. Et j'ai rencontré EndoFrance en 2006. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'association ? Bien sûr, c'est une association qui est animée par 120 bénévoles qui sont répartis sur toute la France et elle compte aujourd'hui presque 2700 adhérents à jour de cotisation. Et les missions, voilà, oui, c'est important pour nous parce que nous représentons les patientes atteintes d'endométriose et puis grâce à leur cotisation, nous pouvons mener toutes nos actions. Et nos actions, ce sont des missions de sensibilisation, d'information du public, des missions de soutien aussi pour les personnes atteintes, pour leur entourage, pour réexpliquer la maladie. Et puis, nous allons agir aussi avec les pouvoirs publics et les professionnels de santé pour améliorer le parcours de soins des personnes atteintes d'endométriose. Et chaque année, les bénévoles organisent entre 350 et 400 événements en présentiel et en visio pour apporter soutien et information à celles et ceux qui en ont besoin. Qui a créé l'association ? Alors, elle a été créée en 2001 par trois personnes qui avaient découvert qu'elles avaient de l'endométriose et qui se sentaient un petit peu démunies. Et depuis 2001, voilà, elles n'ont eu de cesse de faire connaître cette maladie. À l'époque, le slogan de l'association, c'était « Sortons la maladie de l'ombre » parce qu'elle était vraiment méconnue et que quand on parlait d'endométriose, on écarquillait les yeux. Quelques années après, effectivement, beaucoup de chemin a été parcouru. On a transformé le slogan de l'association en soutenir, informer, agir. Et puis aujourd'hui, l'endométriose devient un enjeu de santé publique, puisqu'Emmanuel Macron, lui-même président de la République, a en janvier 2022 annoncé une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose. On a entendu parler de l'endométriose par le biais de la comédienne et écrivain Laetitia Milo, qui a notamment joué dans la série à succès Plus belle la vie. Est-ce qu'elle a un rôle spécial au sein de l'association ? Mais oui, Laetitia Milo, c'est notre marraine. Effectivement, elle nous aide beaucoup. Elle est vraiment à nos côtés, très active pour faire connaître la maladie. Et elle nous a surtout aidé à financer la recherche, puisqu'il n'y a pas... Il n'y a pas d'enveloppe dédiée à la recherche en France. Et en participant à des jeux télévisés, en nous offrant les droits d'auteur de son livre « Le bébé, c'est pour quand ?», elle nous a permis de verser beaucoup d'argent à la recherche. Et puis ensuite, grâce aux dons générés par les campagnes de communication que nous faisions, nous avons pu verser plus de 256 000 euros à différentes équipes médicales travaillant sur la recherche endométriose. Donc nous avons une marraine vraiment très très proche de nous. Oui, parce qu'elle en souffre aussi de cette pathologie. Exactement, en fait, à partir du moment où elle a osé dire qu'elle souffrait d'endométriose, les médias se sont bien sûr beaucoup intéressés à son cas, et à travers elle, toutes ces millions de femmes qui en souffrent, qui ont été mises en lumière, cette maladie a été mise en lumière, elle a mis en lumière aussi notre association, et les choses ont beaucoup évolué un petit peu plus rapidement à ce moment-là. J'ai vu sur votre site qu'une femme sur 10 est touchée par l'endométriose, ça fait à peu près 25% des femmes, non, c'est ça ? C'est ça, une femme sur 10, et encore c'est un chiffre à minima, parce qu'en fait c'est une femme sur 10 qui obtient le diagnostic d'endométriose. Or, quand on sait que cette maladie met en moyenne 7 ans à être diagnostiquée, ça veut probablement dire qu'il y a 2 ou 3 femmes qui seraient concernées par l'endométriose, mais qui ne le savent pas encore. D'accord. 2 ou 3 femmes sur 10. Alors, est-ce qu'il y a d'autres parrains et marraines de l'association ? Oui, alors nous avons aussi un parrain qui est Thomas Ramos, qui est joueur de rugby au Stade Toulousain, champion de France et champion d'Europe avec le Stade Toulousain. Et lui, il accompagne sa femme qui est atteinte d'endométriose. Et son objectif en intégrant l'association, c'était vraiment de nous aider à porter le message du rôle du conjoint et des conjointes dans l'endométriose. Comment soutenir la personne qui vit à nos côtés quand elle souffre. Voilà, il voulait vraiment porter ce message-là, dire que c'est une maladie qui se vit à deux et apporter du soutien est important. C'est quoi un parrain ou une marraine d'une association ? C'est quelqu'un d'abord de grande générosité, quelqu'un qui agit avec le cœur en fait et qui va mettre sa notoriété au service d'une cause. Et Laetitia comme Thomas le font vraiment très bien. Alors c'est quoi le rôle d'un parrain ou d'une marraine d'une association ? Eh bien, ils vont par exemple mettre en lumière cette endométriose, soit au travers de leur parcours personnel. Laetitia a beaucoup raconté son histoire, Thomas a beaucoup raconté l'histoire de sa compagne aussi auprès des médias, donc ils répondent à des interviews, ils précisent bien évidemment qu'ils sont parrains marraines de l'association Endo France, et l'objectif c'est vraiment aussi de nous aider à communiquer de façon plus large, justement en utilisant leur notoriété. Quand on voit notre logo à la télévision, sur de grandes chaînes nationales, parce que notre parrain ou notre marraine est présent dans une émission et met en lumière l'association, c'est aussi une façon de mettre en lumière déjà toutes les actions qu'on peut porter pour aider l'ensemble des personnes qui souffrent d'endométriose. Mais c'est aussi donner une force quelque part à l'association et lui permettre d'être connue et reconnue. Quelles sont les différentes actions de l'association ? Alors, il y a plusieurs types d'actions qui sont tournée vers les personnes qui souffrent principalement, des missions. Alors on va organiser par exemple des rencontres amicales, des espaces de parole, des groupes de discussion entre personnes atteintes d'endométriose pour qu'elles puissent échanger sur leur parcours et grâce à l'aide de nos bénévoles trouver des astuces pour vivre au mieux avec la maladie. L'objectif vraiment c'est vivre au mieux avec la maladie, c'est possible. Et puis on a aussi des missions d'information, donc des conférences ou des tables rondes avec des médecins, des professionnels de santé, par exemple pour expliquer comment on diagnostique une endométriose, quelle est la prise en charge aujourd'hui, en quoi consistent les chirurgies d'endométriose. Et puis avec des professionnels de santé, on va par exemple plus s'attacher à parler sur un thème précis comme la douleur, la gestion de la douleur, par exemple avec des kinés, des ostéopathes, des sophrologues, des personnes qui pratiquent l'auto-hypnose, voilà, pour essayer de trouver des astuces complémentaires pour accompagner les traitements, pour accompagner la douleur au quotidien. Et puis, on a aussi des missions de sensibilisation plus larges au niveau des plus jeunes, puisque c'est important de prévenir des symptômes pour que, comme on sait que c'est une maladie qui met 7 ans à être diagnostiquée, prévenir les symptômes, ça permet de se dire, ça n'est pas normal, et donc il faut peut-être s'inquiéter. Et donc on intervient dans les collèges et lycées, on intervient auprès des infirmières scolaires, et puis dans les entreprises aussi, pour sensibiliser les professionnels, les managers, et puis le personnel des entreprises, qu'une personne qui peut s'absenter chaque mois parce qu'elle a ses règles, qu'elle souffre, etc., c'est une personne qui peut-être a une maladie, et l'idée c'est de changer le regard, et de trouver des pistes pour se maintenir en emploi quand on a une maladie qui nous affecte sur le long cours. Voilà. Alors l'endométriose est une maladie féminine méconnue du grand public. Nous allons vous expliquer ce que c'est juste après ces deux pauses musicales. On vous laisse avec Justin Wellington et John Lennon. A tout de suite sur RGM 107FM. Hey yo, big wave. Turn the mic on. Small time alongside JW. My bestie and your bestie sit down by the fire.

Nous revoilà pour parler de l'endométriose. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via le 107FM et par les applications Orange Radio et Radio Line. Alors Yasmine, l'endométriose c'est quoi ? Ah, c'est assez complexe, je vais essayer d'expliquer ça simplement. En fait, l'endométriose, ça tire son nom de l'endomètre. Mmh. L'endomètre, c'est la muqueuse qui tapisse l'utérus et qui, chaque mois, quand il n'y a pas de fécondation, se désagrège pour former les règles. En fait, voilà, le rôle de cette muqueuse, de cet endomètre, c'est de gonfler pour accueillir un embryon. Et s'il n'y a pas d'embryon, ben, ça se détache et ça forme les règles. Et en fait, on parle d'endométriose quand on va retrouver ailleurs que dans l'utérus des cellules qui sont semblables à cet endomètre, qui ont migré, qui vont se greffer sur les organes autour et qui ne seront pas détruits par le système immunitaire. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais en fait, le système immunitaire ne fait pas son travail, ne détruit pas ce qui n'est pas à sa place. Donc, ces cellules, le problème, c'est qu'elles vont réagir à l'influence hormonale. C'est-à-dire que chaque mois, quand on aura nos règles, eh bien, dans le ventre, ces petites cellules, elles vont se mettre à saigner aussi. Ça va former des nodules, ça va former des adhérences entre les organes, ça va former des kystes, mais surtout, ça va être responsable d'une très grande inflammation puisqu'on a du sang dans le ventre. Bien sûr, ce sont des micro-hémorragies, mais cycle après cycle, ça devient plus important et ça vient vraiment créer un climat extrêmement inflammatoire et créer des douleurs, puisque des organes qui vont finir par se coller les uns aux autres ne seront plus mobiles alors qu'ils sont censés l'être. Et ça crée des douleurs. L'endométriose, ça peut avoir aussi, outre les douleurs, ça peut avoir un impact sur la fertilité. Dans 30 à 40% des cas de fertilité, c'est l'endométriose c'est l'endométriose qui en est à l'origine. Et puis, ça peut avoir, si on ne détecte pas la maladie, si on n'écoute pas ses symptômes, qui sont variés, hein, parce qu'il y a autant de formes d'endométriose que de femmes, si on n'écoute pas les symptômes, la maladie va se développer et peut avoir des conséquences qui peuvent être assez compliquées à gérer. Alors, la plupart des gens assimilent l'endométriose à des règles douloureuses, mais comment un médecin, il peut, à part faire des examens, comment il peut détecter la maladie là ? Alors, c'est vraiment en écoutant la patiente que l'on peut détecter l'endométriose. Parce qu'il n'y a pas que des règles douloureuses. Et l'endométriose, c'est bien plus que des règles douloureuses parce qu'il y a aussi une question de où mettons le curseur dans la douleur. C'est-à-dire que c'est physiologique d'avoir mal au ventre pendant ces règles parce que y a des contractions de l'utérus pour faire détacher la muqueuse. Mais si on prend un space-fou, ou un doliprane, et que la douleur se calme, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. C'est normal. Mm-hmm. Et si la douleur résiste à un antalgique classique, si on est obligé de prendre des anti-inflammatoires, et de plus en plus, et ce, chaque mois, là, ça n'est pas normal, et là, il faut déjà s'inquiéter. Et ensuite, le médecin va devoir poser d'autres questions. Est-ce qu'il y a des troubles associés ? Par exemple, des troubles urinaires, des troubles digestifs ? Est-ce qu'il y a des douleurs pendant les rapports ? Est-ce qu'il y a une fatigue chronique ? Est-ce qu'il y a des douleurs dans le bas du dos ? Est-ce qu'il y a de la douleur pelvienne en général ? C'est en posant toutes ces questions que le médecin va pouvoir mesurer s'il est en présence ou non d'une endométriose et demander des examens complémentaires. Alors, une échographie, si possible, endovaginale, donc avec une sonde que l'on met dans le vagin, va permettre de s'approcher au plus près des lésions, de mieux voir l'utérus, de mieux voir les trompes, de mieux voir tout ce qui se passe derrière et de détecter l'endométriose, à condition qu'elle soit faite par un radiologue qui connaisse bien la maladie. Mais si on en revient sur les symptômes, la douleur, c'est une douleur invalidante. On ne peut pas se lever, on ne peut pas aller au lycée, on ne peut pas aller au travail au moins une journée par mois. C'est une douleur vraiment qui cloue sur place. Et puis, elle peut être associée à d'autres choses. Voilà, on a l'impression de faire, par exemple, des infections urinaires à répétition, mais quand on fait un examen d'urine, il n'y a pas de bactéries. Ça veut dire que la vessie est probablement irritée par une lésion d'endométriose. On peut avoir du sang dans les selles, une alternance diarrhée-constipation. Ça veut dire qu'on a probablement une atteinte digestive. ou qu'on a un nodule qui est placé derrière l'utérus, tout près des intestins, du rectum, et qui va être irrité régulièrement, et que donc bah, ça va faire très très mal aussi quand on va à la selle. Donc voilà, il y a tout un tas de symptômes comme ça qui vont permettre de dresser un petit peu le tableau. Et puis ensuite, bien sûr, les examens d'imagerie vont aider. Est-ce qu'il existe un traitement pour cette pathologie ? Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de traitement curatif pour guérir l'endométriose. L'idée, puisque les médecins ont compris que quand les femmes avaient leurs règles, qu'elles saignaient, et que du coup les petites lésions d'endométriose, elles saignent aussi, mais il fallait stopper ces saignements pour éviter une prolifération des lésions, éviter une prolifération des douleurs surtout et des symptômes. L'objectif, c'est vraiment de prendre en compte les symptômes et d'aider la patiente à vivre au mieux avec. Et dans ce cas-là, l'objectif, c'est de stopper les règles. Alors attention, ça ne veut pas dire être en ménopause artificielle, pas du tout. C'est juste prendre une pilule, un contraceptif en continu pour dire à la muqueuse, bah, ne gonfle pas, de toute façon, il n'y aura pas de bébé ce mois-ci, donc ce n'est pas la peine que tu gonfles et que tu te détaches. Donc elle va rester à la même épaisseur, cette muqueuse, je schématise vraiment pour que ce soit clair pour les auditeurs. Et ensuite, bah, ça va éviter que les lésions dans le ventre ne saignent et du coup, bah, continue à inflammer les organes. Donc aujourd'hui, le traitement, il est très souvent hormonal. Quand ça ne suffit pas, après plusieurs essais, parce qu'il y a parfois des échecs de traitement, la chirurgie va venir supprimer les lésions. Parfois, on est obligé de couper un petit bout d'organe pour éviter d'avoir des rechutes, hein, des récidives d'endométriose. Mais la chirurgie, encore une fois, elle doit être faite par des experts, par des gens qui maîtrisent vraiment le sujet. Et puis, autour de tout ça, dans la prise en compte, dans la prise en charge vraiment de la personne atteinte d'endométriose, il y a tout ce qui peut nous faire du bien. La kiné, il y a beaucoup de kinés qui se sont spécialisés en endométriose, en digestif, en viscéral, et qui vont pouvoir redonner de la mobilité aux organes, supprimer les adhérences, aider à soulager les douleurs. L'ostéopathie aussi, pour corriger aussi les postures que l'on prend quand on a mal, etc. L'acupuncture, la sophrologie, l'hypnose, la relaxation de façon générale. Tout ça, ça vient aider au quotidien à gérer parfois les effets secondaires des médicaments, mais aussi les douleurs qui s'installent et qui deviennent chroniques au fil du temps. Alors vous disiez il y a quelques minutes qu'il y a des problèmes de fertilité dus à l'endométriose, comment on peut y remédier ? Alors déjà il faut vraiment rassurer tout le monde, toutes les endométrioses ne vont pas entraîner une infertilité. Je disais tout à l'heure qu'il y avait 30 à 40% des infertilités qui étaient dues à l'endométriose, ça veut dire 60 à 70% des femmes qui ont une grossesse malgré l'endométriose. Soit elles vont l'avoir après quelques années de traitement, après une chirurgie, ou alors grâce à la procréation médicalement assistée. Mais en tout cas, il y a des solutions. Et ce que dit toujours notre marraine, c'est ne lâchez rien. Même si on vous dit ça ne marchera pas, il faut toujours y croire, parce que c'est vrai qu'on a énormément de femmes qui nous disent « personne n'y croyait, mais je suis enceinte, j'ai eu un bébé, etc. » Donc voilà, il y a aussi de jolies surprises dans l'endométriose. Est-ce que le fait de se faire opérer, ça peut aider à avoir un enfant ? La chirurgie, elle est vraiment décidée avec le médecin et en fonction de son parcours. La particularité de l'endométriose, c'est qu'il n'y a pas une seule forme de la maladie. Il y a vraiment autant d'endométriose que de personnes atteintes. Et du coup, il faut voir où on en est dans son parcours, où en est la maladie, pour savoir ce qui sera le mieux. Parfois, ce sera plutôt directement d'aller faire un protocole de PMA pour donner toutes les chances à la grossesse. Mais quand il y a des lésions très profondes qui vont être très très douloureuses, vraiment très invalidantes, parfois là, il vaut mieux passer par une opération pour soulager le symptôme douloureux et permettre parfois une grossesse spontanée ou parfois une grossesse avec de meilleures chances d'aboutir grâce à des FIV. Alors est-ce que l'effet de l'opération, est-ce que c'est immédiat pour concevoir un enfant ? Alors c'est très variable, ça c'est très variable, mais généralement, oui, dans les 6 mois, dans les 6 à 9 mois qui suivent une chirurgie, parfois un an, il y a des grossesses possibles, oui. Parce qu'en fait, l'opération, elle, quand on supprime les lésions, bah, ça vient supprimer tout le climat inflammatoire dans le ventre. Et ça aussi, l'inflammation, ça n'est pas très propice à la fécondation. Alors vous nous avez dit aussi qu'il y a différentes formes d'endométriose. Vous pouvez nous dire c'est lesquelles ? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on catégorise les endométrioses en fonction de leur localisation. Donc on va avoir des endométriomes, donc ce sont les kystes d'endométriose qui sont situés sur les ovaires. On va avoir l'endométriose qu'on appelle superficielle ou péritonéale. Ça veut dire que les lésions d'endométriose se sont posées sur le péritoine, c'est la membrane qui protège les organes dans le ventre. Et donc, l'endométriose se pose en surface de cette membrane, de ce péritoine, donc c'est une endométriose superficielle. Ça ne veut pas dire, il ne faut pas prendre le terme superficiel de façon péjorative, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas douloureuse, elle peut être extrêmement douloureuse parce qu'il y a plein de petits nerfs à la surface de cette membrane et que du coup les nerfs sont irrités et envoient des messages douloureux au cerveau, mais ça veut dire qu'elle n'a pas d'impact sur la fertilité par exemple. Alors est-ce que cette maladie est considérée comme une maladie invalidante par la CPAM ou par l'État ? Alors c'est une maladie invalidante dans certaines formes, toutes les formes d'endométriose ne sont pas invalidante. Il y a certaines femmes qui trouvent très vite un traitement adapté et qui vivent tout à fait normalement, qui en oublient presque qu'elles ont une endométriose. Et puis il y a même des formes d'endométriose qui vont se stabiliser très vite, voire disparaître. Et ça, c'est une chance pour celles qui ont ces formes-là d'endométriose. Pour les autres, c'est quand même 2/3 des cas d'endométriose qui vont évoluer et parfois vers des formes sévères. Là, c'est plus complexe effectivement et on peut en arriver à des formes invalidantes. Aujourd'hui, il existe un dispositif qui s'appelle l'ALD31 qui permet aux personnes qui souffrent de formes sévères de la maladie de bénéficier justement d'une reconnaissance d'affection longue durée et d'une prise en charge par la sécurité des soins sur la base des tarifs remboursés par la sécurité sociale, bien évidemment. Est-ce que ça touche que les personnes qui ne sont pas ménopausées ? Alors, l'endométriose peut apparaître dès la puberté, hein, avec les premières règles, elle peut se mettre en place au fil des années. Et on a pour coutume de dire qu'elle s'arrête avec les... Elle commence et elle s'arrête avec les règles. Donc, à la ménopause, les lésions s'assèchent, se stabilisent et finissent par disparaître. Bien sûr, ce n'est pas dès le jour où on est ménopausé, il faut quelques mois, bien sûr. Pour autant, et on ne sait pas l'expliquer, à la ménopause, il y a des cas de femmes qui ont des récidives d'endométriose et on ne sait pas expliquer pourquoi. Est-ce que c'est le traitement hormonal substitutif ? Est-ce que c'est une des théories de l'endométriose qui explique que des lésions peuvent spontanément se transformer en cellules d'endométriose ? On ne sait pas dire. Aujourd'hui, la recherche est incapable de dire quelles sont les causes et les origines de l'endométriose. Si on le savait, on saurait comment la soigner, peut-être comment l'éviter. Mais aujourd'hui, ça n'est pas encore le cas. Et donc, effectivement, on constate que 3 à 5 % des femmes ont des récidives d'endométriose après la ménopause, alors qu'on est censé être tranquille après. La médecine est un mystère, le corps aussi, du coup. Et voilà, tout à fait. À partir de quel âge une endométriose peut être décelée ? Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a de plus en plus de jeunes filles qui sont diagnostiquées endométriose après plusieurs années de règles et plusieurs années de souffrance vraiment intense, on finit par leur diagnostiquer une endométriose et les prendre en charge. Donc on a des cas de très jeunes filles de 16-17 ans, voilà, et parfois on a des femmes qui vont découvrir leur endométriose plus tard, par exemple après une césarienne. Tout d'un coup, elles vont se mettre à avoir de l'endométriose sur la cicatrice. Voilà, on ne sait pas expliquer comment, pourquoi non plus. La moyenne, si on a interrogé dans une enquête qui s'appelle Endovie, qui a été menée par Ipsos, Gédéon Richter, qui est un laboratoire pharmaceutique, et EndoFrance, on a interrogé les adhérentes d'EndoFrance, et elles disent toutes que bah, il s'est passé en moyenne 7 ans avant qu'elle pose le diagnostic, mais que le diagnostic a été posé en moyenne autour de 24 ans. Donc voilà, finalement, il se passe quand même plusieurs années de règles avant qu'on découvre la maladie. Mais chez certaines femmes, ça arrive bien plus tard, et chez d'autres, ça arrive presque par accident, j'ai envie de dire, enfin par hasard. C'est-à-dire qu'elles vont se faire opérer de l'appendicite, par exemple, ou de tout à fait autre chose. Et là, on découvre qu'elles ont de l'endométriose, parce qu'il y a aussi des formes d'endométriose qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire qui ne font pas de bruit, qui n'ont aucun symptôme douloureux ou aucun des symptômes que j'ai pu évoquer tout à l'heure, ou en tout cas qui ne sont pas reliés entre eux. Voilà, et ça peut se découvrir par hasard. Et puis, il y a une autre forme d'endométriose dont je n'ai pas parlé, c'est la forme d'endométriose qu'on appelle extra-péritonéale. Ça veut dire qui est vraiment hors du péritoine, hors du petit bassin. Et on va parler plus d'endométriose diaphragmatique ou thoracique. Et là, c'est complexe parce que pour s'en rendre compte, bah, les symptômes, c'est de se faire au moment des règles un pneumothorax, c'est-à-dire de cracher du sang, de tousser du sang, de cracher du sang, ou d'avoir un hémothorax, donc des essoufflements, parce qu'on a un peu de sang qui vient se mettre dans la plèvre, la membrane qui entoure les poumons. Et puis on a, pour l'endométriose diaphragmatique, un symptôme assez particulier, puisque c'est une douleur qui irradie dans l'épaule droite, parce qu'il y a le nerf phrénique qui passe dans l'épaule et qui se relie au diaphragme, et du coup la lésion qui est sur le diaphragme qui vient irriter ce nerf déclenche une douleur dans l'épaule droite. Mais là c'est compliqué à diagnostiquer parce que le pneumothorax ou la douleur de l'épaule droite, si on ne la relie pas au fait que ça arrive pendant les règles, ben, on va passer à côté du diagnostic. Alors comment un médecin peut orienter une personne qui pense être atteinte de l'endométriose pour aller voir un spécialiste de cette maladie ? Tout à l'heure, je disais que le président de la République avait annoncé une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose. Et un des axes de cette stratégie, c'est justement de faciliter l'accès aux soins. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que dans chaque région de France, actuellement, sont en train de s'organiser des filières de soins endométriose sous l'égide de l'Agence régionale de santé pour justement mettre en lien des professionnels qui vont prendre en charge les personnes atteintes d'endométriose. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gynécologues, les sages-femmes, les médecins généralistes sauront vers qui orienter facilement leurs patientes, puisque l'ARS va communiquer bien sûr sur ces filières de soins quand elles seront montées. Et l'idée, c'est que chaque personne puisse être orientée au sein de la filière vers la personne qui pourra prendre en charge son endométriose. Tout le monde n'aura pas besoin de voir le chirurgien, mais tout le monde aura besoin de voir un médecin qui pourra poser le diagnostic et qui pourra proposer des traitements de première intention. Et quand ça ne suffit pas, effectivement, être orienté vers un hôpital ou une clinique spécialisée en endométriose. C'est en cours d'élaboration. Dans la région Lorraine, ça n'est pas tout à fait fait. Ça va se mettre en place, mais... En attendant, nous avons des bénévoles en région et notamment sur l'Alsace-Lorraine qui peuvent orienter les patientes qui ont besoin de rencontrer un médecin ou une sage-femme qui pourront les aider à poser le diagnostic d'endométriose, les orienter vers des radiologues si elles ont des examens à faire, vers des personnes en tout cas qui connaissent la maladie. Donc ça, nos bénévoles sont en mesure d'aider les personnes qui ont besoin. Parce qu'en fait, les médecins, il faut qu'ils soient à l'écoute de la patiente, mais s'ils n'y sont pas et s'ils n'ont pas connaissance de la maladie, est-ce que les patientes peuvent faire une contre-visite, aller voir d'autres médecins ? Totalement. C'est vrai que aujourd'hui, le principal problème, c'était que les médecins qui sont en exercice aujourd'hui, les médecins généralistes ou même quelques sages-femmes, quelques gynécos aussi, soit n'écoutent pas la douleur des patientes ou n'en tiennent pas suffisamment compte, soit ne connaissent pas la maladie pas suffisamment. À leur décharge, ils avaient 20 minutes de cours sur l'endométriose au cours de leur cursus médical de 7 à 8 années. Donc, bien sûr, on ne peut pas leur en vouloir de ne pas savoir diagnostiquer une endométriose après ça. Ça a été un des principaux cheval de bataille d'Indo-France, de l'association Indo-France, depuis sa création. On a commencé à solliciter le ministère de la Santé à partir de 2003. On leur demandait d'adapter la formation des médecins pour qu'elle intègre mieux l'endométriose. Et en fait, le décret qui annonce l'intégration de l'endométriose dans les études médicales de second cycle est paru en septembre 2020. Donc vous vous rendez compte le temps qu'il a fallu. Ah oui. Et les premiers cours ont été donnés en janvier 2021. Les premiers cours spécifiques endométriose. Donc ça veut dire qu'il va falloir attendre encore quelques années pour que ces médecins formés sortent de la fac et puissent diagnostiquer l'endométriose plus facilement. Donc il y avait beaucoup, beaucoup de travail à faire là-dessus et on a demandé justement que dans cette stratégie, il y ait des actions de formation qui soient menées pour les médecins qui sont en exercice à l'heure actuelle, de façon à ce que ce retard de diagnostic puisse diminuer, parce que en attendant, la maladie peut faire beaucoup de dégâts. D'accord, nous allons faire une dernière pause musicale avant de parler des différents événements que vous organisez tout au long de l'année, et nous finirons par donner des infos à nos auditeurs pour savoir comment ils peuvent soutenir l'association. À tout de suite sur Radio Gémozo. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along. Nous revoilà avec Yasmine, après avoir écouté ce titre qui nous donne la pêche. J'adore ce choix. Ouais, tout à fait, merci. Alors, vous organisez des événements tout au long de l'année avec l'association. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquels ? Oui, alors il y a plusieurs sortes d'événements. Nous avons deux cibles au sein d'Endo France, ce qu'on appelle les sympathisants. Donc ça, ce sont toutes les personnes qui vont se tourner vers nous pour nous poser des questions sur la maladie, être orientées, etc. Puis tous les gens que l'on va contacter via les réseaux sociaux. Et puis nous avons nos 2667, donc presque 2700 adhérents. Et ces adhérents, on va leur réserver aussi des événements rien que pour eux, puisqu'ils payent une cotisation de 23 euros à l'année. Et donc, nos événements sont gratuits, ouverts à tous, sauf ceux qui sont réservés aux adhérents. Alors, les événements ouverts à tous, ça va être des rencontres amicales pour échanger, comment mieux vivre avec la maladie, avoir des informations sur la maladie, des explications, être orienté, etc. Il y a les conférences et les tables rondes ouvertes à tout le monde, avec des médecins, avec des professionnels, sur des sujets sur la prise en charge de l'endométriose, la gestion de la douleur, l'apport de la kinésithérapie ou de l'ostéopathie, par exemple. Voilà. Et puis, pour les adhérents, en plus de tout ça, parce que bien sûr, les adhérents peuvent participer à tout, on va leur réserver des actions spécifiques. Par exemple, ben voilà, une adhérente peut nous dire « je viens d'être diagnostiquée, je ne comprends pas bien la maladie, j'ai plein de questions à vous poser ». Eh bien, on peut lui octroyer un rendez-vous de 45 minutes à une heure avec une bénévole pour qu'elle vraiment parle de son parcours avec la maladie, pour qu'elle ait vraiment toutes les informations dont elle a besoin. On va aussi permettre à nos adhérents de rencontrer de façon plus intime, on va dire, un médecin, un spécialiste, alors soit un gynécologue, soit une sage-femme, soit un kiné, soit un ostéopathe, soit une radiologue, pour qu'ils puissent justement comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça peut apporter dans l'endométriose, et répondre aussi à toutes les questions. Quand on a des gynécos, par exemple, qui nous donnent de leur temps, ils répondent vraiment à toutes les questions des adhérents sur la maladie, sur les traitements, sur les chirurgies, etc. Donc c'est vraiment des petites actions spécifiques réservées en petits groupes à nos adhérents. Voilà. Les cotisations de nos adhérents, ça nous aide à faire fonctionner l'association, puisque il faut qu'on paye nos assurances, le site internet, qu'on imprime nos supports de communication. Et puis, tout l'argent qui nous reste une fois que tout ça c'est fait, et tous les dons que l'on reçoit, c'est versé à la recherche. Tous les ans, on lance des appels à projets recherche et on vient de lancer l'appel à projet 2022, là. Et en moyenne, chaque année, c'est 50 à 55 000 euros qui sont versés à des équipes médicales. Et si tout va bien, à la fin de l'année, au total, le chiffre qu'on aura versé à la recherche, ce sera 300 000 euros. Et ça, c'est grâce aux dons que l'on reçoit et aux cotisations de nos membres. Et on en est où dans la recherche au niveau de la maladie ? On en est assez balbutiement, on essaye vraiment de comprendre parce que, comme je le disais tout à l'heure, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas d'enveloppe budgétaire dédiée à la recherche. On espérait, alors la stratégie a annoncé aussi, un des deuxièmes axes de la stratégie, c'était de développer la recherche sur l'endométriose avec un gros budget de plusieurs millions dédié vraiment à la recherche. Et finalement, c'est une enveloppe santé de la femme et endométriose. Donc, ça n'est pas que réservé à l'endométriose, mais au moins, l'endométriose sera visible et les équipes médicales qui ont des projets de recherche sur l'endométriose pourront piocher dedans. Alors, la recherche endométriose, c'est quoi ? Il y a la recherche qu'on appelle fondamentale, où là, par exemple, on va essayer de comprendre pourquoi le système immunitaire de certaines femmes est défaillant et ne nettoie pas ces petites cellules qui ne sont pas à leur place. On va essayer de comprendre aussi qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a quelque chose de génétique dans l'endométriose, quels sont les gènes qui sont impliqués, pourquoi est-ce qu'ils se modifient, est-ce qu'ils ne se modifient pas, enfin voilà, on va essayer de chercher vraiment des choses comme ceci. Et il y a la recherche clinique où là, par exemple, on va étudier plutôt un traitement, on va étudier une chirurgie comparativement pour voir comment la qualité de vie des patientes atteintes d'endométriose va être améliorée ou non. Et ça va donner des pistes, des solutions de nouvelles prises en charge, en tout cas sur le long terme. Mais tout ça, ça démarre. La recherche, ça coûte très cher. C'est pour ça que on a aussi beaucoup milité auprès du gouvernement pour qu'il y ait des budgets dédiés. Nous, quand on donne un peu d'argent à la recherche, je parlais de 55 000 euros par année, mm-hmm. c'est dérisoire à l'échelle d'un projet de recherche, c'est vraiment rien du tout. Mais ça permet aux équipes de démarrer leur projet et de pouvoir avoir des premières hypothèses qui leur permettront par la suite d'aller chercher d'autres financements. Voilà, c'est en ça que c'est important. Comment est-ce qu'on peut soutenir l'association ? Eh bien, il y a plusieurs choses. Sur le site internet, vous pouvez soit adhérer pour devenir adhérente et participer à la vie de l'association et obtenir toutes ces informations dont je parlais. Il y a des lettres juridiques, des lettres scientifiques, des gazettes trimestrielles qui sont envoyées avec toujours dedans une chronique médicale qui fait le point sur un sujet d'actualité dans la prise en charge de l'endométriose. Et puis sinon, c'est faire des dons. Il y a aussi une page dédiée sur les dons pour la recherche sur notre site internet. Et puis une autre façon de nous aider, surtout, c'est de devenir bénévole. Alors pour ça, bien sûr, il faut être atteinte d'endométriose. Il faut avoir du recul sur sa maladie, parce que pour bien accompagner les autres, eh bien, il faut vraiment aussi avoir du recul sur ce qu'on a vécu. Et puis, participer à toutes les actions menées par la grande équipe de bénévoles Endo-France. Est-ce que l'on peut représenter l'association au niveau régional ? Bien sûr, tout à fait. Nous avons une équipe en Alsace-Lorraine, composée de 4 bénévoles. Et c'est vrai que plus on sera nombreuses, mieux ce sera. Donc, si vous êtes en Lorraine et que vous avez envie de vous investir, que vous êtes atteinte d'endométriose, mais que vous êtes en paix avec votre parcours, il suffit d'écrire. Là aussi, sur notre site internet, on a une page dédiée, bénévolat, et devenir bénévole, et tout est expliqué. Comment est-ce qu'on peut faire davantage connaître cette maladie au grand public ? Alors, il y a déjà toutes les actions de sensibilisation qu'on mène qui peuvent être relayées. Il faut pouvoir sensibiliser au maximum. Déjà, merci à vous d'organiser cette émission aujourd'hui, parce que les auditeurs, les auditrices vont pouvoir prendre connaissance de cette maladie que peut-être ils n'imaginaient pas. Peut-être certaines sont concernées et vont enfin oser nous écrire pour être orientées vers un médecin qui va pouvoir les aider. Et si elles ne sont pas satisfaites de leur médecin, si leur médecin leur a dit « non, la douleur c'est dans la tête », ça c'est pas possible à entendre, ou si la douleur est jugée normale alors que nous on sent bien que c'est pas normal, il faut demander un deuxième avis, et là les bénévoles peuvent aider à être orientés. Donc ces actions de sensibilisation telles que vous les faites aujourd'hui, merci pour ça, parce que ça donne vraiment la place à cette maladie, la place qu'elle mérite, parce qu'une femme sur 10, c'est important, c'est énorme. Oui. Et surtout, ce qui est dramatique, c'est 7 ans pour poser le diagnostic. Donc, c'est pas normal. C'est ça qui n'est pas normal, en fait. C'est ce délai de diagnostic. Donc voilà, c'est ces actions-là. Et puis tout le monde peut nous aider, par exemple, en diffusant nos affiches. Elles sont... On peut les commander sur notre site internet, mettre mmh. des affiches dans une salle d'attente d'un médecin, dans une salle d'attente d'un service gynéco ou chez un kiné, ça peut aider les personnes qui viennent et qui se sentent concernées par les symptômes qui sont décrits et qui vont se dire « ah bah tiens, c'est peut-être une endométriose, je vais me renseigner en ce sens ». Est-ce que vous avez des futurs projets avec l'association ? Alors on a plein de projets, évidemment, notamment de continuer à sensibiliser et les entreprises et les lycéens, de continuer bien sûr à aider les agences régionales de santé à mettre en place les filières de soins, et puis de continuer à soutenir toutes ces femmes. Il y a un projet qui vient de voir le jour en début d'année. C'était un projet lié à la prévention chez les plus jeunes. Endo-France a publié une BD éditée chez Dunod qui s'appelle « L'endométriose de Clara, comprendre la maladie pour les 15-25 ans ». C'est sous format BD, c'est très facile à lire. Mais ça offre aussi une double lecture, c'est-à-dire qu'on peut le lire avec ses parents, le laisser dans les mains d'une jeune ado, et puis le lire avec elle, et on comprend la maladie, on comprend la difficulté du parcours, on comprend la complexité de la maladie, mais surtout on comprend que si on est pris en compte, si on est pris en charge, on peut vivre correctement avec, même s'il y aura bien sûr des étapes, des difficultés possibles, voilà, mais on peut s'en sortir à partir du moment où on est pris en charge correctement. Comment est-ce qu'on peut vous contacter sur les réseaux sociaux ou par un site internet ? Alors, notre site internet, c'est endofrance.org. Et pour la région Lorraine, il suffit d'aller sur la rubrique « Contacter les bénévoles » et là, de cliquer sur la carte de France, de cliquer sur la région Lorraine, et il y aura un formulaire qui s'ouvrira et qui sera envoyé directement aux bénévoles de la région concernée. Voilà. Et donc là, les bénévoles peuvent répondre à vos questions sur la maladie, vous donner les coordonnées de médecins spécialisés pour poser le diagnostic ou de radiologues spécialisés pour avoir une échographie ou une IRM de bonne qualité. Et puis, bien sûr, apporter du soutien. Et puis sur notre site, ben voilà, il y a tout un tas d'informations accessibles à tout le monde. Voilà, et on est sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, voilà, sur TikTok aussi. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Eh bien, surtout, ce qu'on peut souhaiter, c'est de réduire ce délai de diagnostic, c'est que les pouvoirs publics arrivent à mettre en place cette stratégie, que les filières de soins soient effectives pour que l'errance médicale n'existe plus. Et peut-être, qui sait, qu'un jour, on n'ait plus besoin de l'association EndoFrance. Ce serait juste merveilleux, ça. Alors, cette émission est maintenant terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Tout à fait, c'était vraiment génial. Merci beaucoup. Alors n'hésitez pas à nous contacter pour que l'on puisse relayer les différents événements que vous organisez sur nos ondes et via notre page Facebook. Alors j'espère que l'association aura de nombreux adhérents et bénévoles et que l'on trouve enfin un traitement pour combattre l'endométriose. Merci. Quant à nous, auditeurs et auditrices de Radio Guémozo, on se retrouvera bientôt pour une nouvelle d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. C'était Laura, bye tout le monde.